Passion classique avec Mathieu Giroux. Une fugue est un thème répété de façon différente. Le but est de créer une harmonie par le changement et l'évolution dans la répétition. La fugue par excellence est celle de Vivaldi. La symphonie fugue des quatre saisons possède toutes sortes de partitions différentes, à jouer comme on le veut. Voici l'état des quatre saisons joué par John Harrison avec l'orchestre symphonique de l'Université de l'État Wichita. Thank you. Johann Sebastian Bach a sans doute découvert la richesse des compositions de Vivaldi. Seulement, beaucoup pensent que Bach a révolutionné la musique d'orgue au point d'en faire pour certaines révolutions religieuses. Beaucoup de musiques de Bach s'enrichissent de la fugue. Voici le concert brandebourgeois numéro 3 de Johann Sebastian Bach. Thank you. Wolfgang Mozart a influencé beaucoup de films et de musique. Il retravaillait les musiques traditionnelles pour en faire ressortir une notion vitale gigantesque. Ses lettres témoignent de son esprit réfléchi et vivant. Voici une fugue moderato de Wolfgang Mozart. Thank you.

C'était Passion Classique avec Mathieu Giroux.